prends des gains, va t'assumer. Proto, on t'a cramé, tu t'en mets dans le nez. Tu vois ton frérot à battre, tu veux pas l'amener. J'fume la patate, tu riffes, pendant que tu grattes des sticks. On m'a dit qu'à couler, tu sympathises avec les chemises. Routine, c'est devenu banal, propé tout devant les banales. Quand chez moi, j'suis en fumette, j'bois de basis, fraise, banane. J'en m'a dit sur le jarret, j'croise des fans qui prennent des photos. Prends pas trop la confiance, j'suis gentil mais t'es pas mon poteau. Sur Annie, elle est en pète bonne, mais à la base c'est une chamelle. Et voilà, elle t'a mis dedans, maintenant tu sens ta Chanel. Je mets bleu sous rosé, ma tête tourne, elle va exploser. Ça fait 13 ans que je rappe, j'ai encore faim de poser. J'serai tout tête, j'fais les 100 balles, alors que toi tu dois d'être millionnaire. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dedans, merde qui va tant de temps. Petit pas de danse, ouais le rap j'suis dedans. J't'ai dit casse dedans, merde qui va tant de temps. Moi j'suis sur les gars, alors j'suis sur ma paix c'est bagaille. Champagne à la gueule, j'mets trajet pour faire ses bagailles. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. C'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Billets violets, feuilles à rouler. Appel les poulets, une équipe de berbères vient pour tout ravaler. Les capos c'est nous, ne viens pas te mêler. J'passe pas à la télé tant que mes rebés écoutent, j'ai rien à prouver. Danse comme un chaoui, Mirpeili, Mirifi, Michlehi, Mirarbi, Maroc, Algérie, Tunisie, Maghreb, Uni. Mes berbères sont frais, Balenciaga. Nique tout sur la piste, amène ta go et tape du pied. Danse comme un chaoui, yeah. Mon pote, on va vider la réserve. Ce soir, tout le monde est beau. Il dans ses bras écartés. Y'a les mistro qui, comme qui font tout pour que vous les regardiez. La crime, la G. On veut délover, délover. On n'a rien à prouver. Trop qui sont mauvais, qui rêvent de me crever. Danse comme un chaoui, danse comme un cabine, danse comme un oronnet. À la fin de la soirée, c'est celui qui a bu le plus qui veut vous rôler. Famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Chaque fille qui Bye.

ça donne des gros en cachette. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. Je trouve l'esprit, je fume un peu de hashish. Fais gaffe petit avec des sous, ça t'achète. Sans plus gâcher, sans des bâtiments. Trop de sentiments, le regard vite, ça t'achète. J'suis pas le sang chez le, moi j'ai galéré. MVDH, tapez-le, la loi emmerdez la. Lui, il se montre, regardez-le, envie d'y mettre des tartes là. J'ai oublié, j'observe la lune de mon matelas. Y'a un abîna, oui, le hague est douna. Baïni, comme t'es de tona.

Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. My young nigga with a Rambo, you be getting choked right through. Gotta have scrams on a block car, you know what a hood might do. All my 150 niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap chap in a bando, chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Suprême en direct sur Skyrock. Make you ring alarm. Oya shake body. Them girls just they feel me now. Cause I get some money, then they feel me now. Back then they do me anyhow. I don't get some money, they wanna get down. They won't hold me for ransom. Cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't know where I come from. I they run since from Lagos to London. All the blessings and love I they see, just they make me they shout hallelujah, eh. I say all the blessings and love I they see, just they make me they shout hallelujah, eh. They hold me for ransom, cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. They won't hold me for ransom, cause I'm young and I'm rich and I'm handsome. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. We'll be right back.

C'est parti, on est là. Mais si son joli joli, je sens que c'est la folie folie. Comment vous dire, je vais bien. Bon, désolé, je suis à l'aise. Le soleil tape sur moi. Je suis pas très loin du mal. Comment c'est le feu ce soir. Mon équipe est de sortie. Mes billets dans le noir. Du coup, tu sais ta raclée. Fraîche, t'es fraîche. Ma belle, t'es toute fraîche. Ouais, j'ai dit t'es fraîche. N'empêche, t'as mieux à Marrakech. Laisse-moi mettre l'ambiance. J'ai quitté le sol français, je me lance. Appel sur la compile. On s'enflamme toutes les vacances. Oh non, tout le monde a pris ses congés. Belle gosse, à mes côtés j'ai foncé. Location de dernier Cayenne, je prends la route vers Tanger. Je fais des stats dans la piscine pendant que toi t'es congelé. Si fou t'as validé, validé. Dans le vide t'as paniqué, paniqué. Écoute-moi, tu vas kiffer. Ouais. Une ambiance de qualité. Comment vous dire, je vais bien. Loin des ennuis, je suis à l'aise. Le soleil tape sur moi. Je suis pas très loin du malaise. Comment c'est le feu ce soir. Mon équipe est de sortie. Mes billets dans le noir. Tu te lâches sur cette acte. Quand tu m'en prends. On a boycott Saint-Tropez. J'hésite entre le Saudi à trop et 5-5-5. J'm'en fous tant qu'on s'amuse avec mes 5-5. Y'a bad un bang bang, carré vie, bad bitch, grégouze. Boire bien vu dans ma matrix, refrain. On va se relaxer, fais pas le fou, on t'allume avant de te menacer. Ça c'est bon, là, j'vais finir à baisser. Marrakech, j'vais les batteries. After à la piscine, c'est taille. Si tu voulais recharger les batteries. On est dans le délire, si tu veux follow. Y'a que des folles et des alcoolos. Tu t'es vomi, tu j'avoue c'est ballot. Mais qui t'a dit que c'était de l'eau. Ne sois pas bénéfice. Mets de côté ta tristesse. Faut plus garder bénéfices. Qu'on a gratté dans le business. Marre de manger du riz. Marre de platine ou nous marre de sturir. La chair à ta campagne, je grève quand elle pipi. J'avais trois copines et l'artiste est pim-pim. Ce soir c'est tout bois qui apparaît plus à la piscine de la villa. Tu connais, on t'aurait que deux missiles. Loin des imbéciles, demain c'est l'amnésie. Et elle te vient par ici, faut que j'oublie mes soucis. Ce soir c'est bon que là, je vais finir à me baisser. Marrakech, je vais les battre. After à la piscine, c'est dingue. Si tu voulais recharger les batteries, on est dans le délire, si tu veux follow. Y'a que des folles et des alcoolos. Tu t'es vomi, si j'avoue c'est ballot. Mais qui t'a dit que c'était de l'eau. Tu voulais ces billets les vieux. Il a failli te les vieux. Ma chérie c'est pas de l'évion. Arrête l'alcool, mets-toi les bio. Je suis avec une pause, bad bad. Tous mes potes veulent la retweeter. Oui, une bad bad bad. Le mot d'ordre c'est profiter. Profiter de la life, faire des sous et se barrer. Le monde tourne en rond, moi je suis dans le carré. Mais ta tête au carré. Sont-ils préparés? Ça c'est bon, t'es là. Je vais finir à me baisser. Marrakech, je vais les batteries. Après à la piscine, c'est taille. Si je voulais recharger les batteries. DJ Kais. Si tu veux follow. DJ Kais. Les folles et DJ Kais. Si j'avoue, c'est ballot. Avec

for Paris. Pray for Paris. Pray for Paris. Pray for Paris. Pray for Paris. Paris, yeah. Pray, pray, pray for Paris, yeah. Pray for Paris, brother, sister, all we need is peace. Sam Bella, Bonaparte. Inch'Allah. Skyrock, Rai Suprême. Tous les matins, le morning.